Elle vit très bien toute seule, sans homme. Elle s'endort peut-être un peu mieux. Elle n'a plus besoin de personne, sinon de soleil quand il pleut. Son répondeur au téléphone dit qu'elle reviendra dans 5 ans. Et même si sa voix vous étonne, elle vous racontera dans 5 ans. Comme toutes les histoires qui chagrinent, comme toutes les absences imprévues, on parle de suicide et de crimes, de femmes qu'on n'a jamais revues. Son répondeur au téléphone dit qu'elle reviendra dans 5 ans. Et même si sa voix vous étonne, elle vous racontera dans 5 ans. Elle est ailleurs, elle a raison. Jolie manière de s'évader. J'avais les clés de sa prison, j'étais aussi son prisonnier. Elle vit très bien toute seule, sans homme. Elle s'endort peut-être moins bien. Elle n'a plus besoin de personne. Et si personne, c'était quelqu'un. Son répondeur au téléphone me donne rendez-vous dans 5 ans, au même endroit sous la colonne, dans un certain jardin d'enfants. Son répondeur au téléphone dit qu'elle reviendra dans 5 ans. Et même si sa voix vous étonne, elle me racontera dans 5 ans.